prise, tu ne sais pas comment lutter. Un siège social de multinationales. Merci, patron, de me lâcher vos miettes, même si c'est par baiser. Car même si je n'ai pas de rôle, je viens pour tout savoir que grâce à moi, tu fais du bien. Non, je me bats les couilles, peut-être c'est ton galère. Je perds une conne, là, je me fous en l'air. Tu m'as qu'à pas passer, tu sais plus que c'est plus beau. Je vais venir sur place, mais t'as mis d'eau, je vais m'y mettre. Et là, j'ai mis sous, y'a pour autant. De cerveau, publicité. Vas-y, fais sauter. T'es dans ce guise, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social de multinationales fait péter. On bouge de la mer, cultivé par des paysans qui ne touchent rien. Ne parlons pas des enfants qui fabriquent nos choses, mais non pas de flouze, c'est eux qu'on consomme. Si ça, c'est pas la loose, vas-y, boycott. Si ça peut t'amuser, mais ce n'est que la plante de tes pieds que tu vas user, moi j'ai une meilleure idée. Chut, faut pas la répéter, c'est plus radical. Faut faire péter le siège social. Faut faire péter le siège social. Faut faire péter le siège social. Y'a plein de mémés, quelques camés, pas de place à l'armée, il m'a mon bled. bienvenue à Saint-Sard. Flow, it's a pleasure. quoi. Quand je te fais la porte avec des gars qui vont à pas de basket-monde, avec ceux qui conduisent des cartes, car pas de pièces propres. Moi, ce que j'aime, ce qui fait mes potes me mettent bien, c'est des vrais moments et des vrais gentils et des vrais humains. Avec qui se la pète, qui se la raconte pour rien, tu peux le plus gros. Et tu voudrais, je dis que c'est bien, ma barre de fou. Dans les combines, je serai serein. La boucle pensée, t'es l'incarnation du mot pour rien. Mais j'oublie les compensants, et tout en me déplaçant, on bosse mon âme. Sans M, pour moi dans les oreilles, je marche en pensant. Je danse en rimant, je rime en pensant. Donc M, pour moi dans les oreilles, je marche en pensant. Je m'imagine sur scène avec tous mes potes, freestyle en bordel sur scène. Sans dire d'en passer, avec les jeans tombés, sans que nous les mecs, tu sèmes du sein, moi c'est ma passion. Faut qu'elle oublie de travailler mon élocus. Thank you. de la place, car ma présence c'est comme un bowling, mais dans un palais des glaces incongru. Et c'est un mot chelou incongru, un peu comme un type chauve avec le menton dru. Ou qui ne parle que bitch, freak, street, credibility. Tu sais, un condru, moi je réfléchis dans les champs, rêve en étant les gens. Des fois je suis dangereux, tu sais, mais bon, je suis pas méchant, juste fâché. Des fois je suis fâché de savoir que pour un sachet de weed on peut t'attacher. Le système ne rappe pas, je l'aurais déjà clashé. Pour vivre heureux, pas le choix, du coup faut vivre caché. Arracher le bonheur quand t'es comme un apaché. Se battre quand même ou finir mâché. La loi du marché voudrait que je fasse du cash et que je marche droit, mais moi je crois que je préfère pas marcher. Je préfère même pas arracher. Juste des fois je chante fort, je me fais chier. Et ça te fait vivre de voir comme Mike, et pour ça pas besoin de Nike. Et je ne parle pas souvent de marque, je ne sais pas si t'as remarqué, mais vivre de voir comme Mike, et tout de suite ça tourne comme un joint de mauvais shit black. Tandis que de l'arbre se roule, de l'arbre se vend un peu partout en France. Dommage, l'État ne veut pas dans ses finances. De l'arbre se fume, monsieur le président. C'est comme ça, tu devrais tester ça détend. Pour de raison d'être anarchiste et de péter les ponts. Regarde la partie des chefs dont ils croient qu'on est des pions, mais en vrai on est des fous. Ils se prennent pour des rois à cheval sur un principe dont ils ont fait des lois. Mais qui tient les rênes? Allez leur dire que c'est notre tour. Moi je m'en pète les veines, avec les mains on dirait qu'ils sont sourds. Je casse la voix comme Bruel s'y pèterait un doigt de pied. Mais les réponses sont vides comme le portefeuille d'un sans-papier. Moi ça me bloque. Sur ce morceau, I don't give a fuck. Tu pensais que la femme devait être soumise, tu t'es trompé d'époque. Mais ta jupe, ta chemise, moi je n'aime pas les orques. Encombrement d'orifice, ça sent le sacrifice. Pas d'amour que tu vis, c'est pas comme ça que t'auras un gosse. Ceci n'est pas une entrée mais une sortie. Tu veux la bouche, prends un spectacle ou mange du riz. Ça me coupe l'appétit, arrête de me parler. Ce truc est trop petit, un jour tu vas finir par craquer. Tu continues, c'est moi qui vais finir par raquer. Je te l'ai dit, j'ai pas le cul, le noir me fait paniquer. Je suis juste pas fan du fait de m'exhiber, mais c'est pas pour ça qu'il y a le moyen de s'exciter. Moi je préfère tout bas, plutôt que la nouba nouba. Car pour s'exposer, ça fait souvent des dégâts, dégâts. Pas d'exhibitionnisme, je veux du romantisme. J'ai besoin d'espérer, de rêver. Je te le dis, je me fous des coupons de beat, un peu de misme. Fais pas les boules, la tête, ta veliste. Comprends-tu pas que la vie n'est pas si triste? Comprends-tu pas, mon gars, qu'elle est plus belle que ça? J'aime Wally, tu regardes tes épaules, tes poignets, ton menton, ta nuque, tes yeux, ton bien, tes peaux, mais j'aime Wally. Je suis pas un mec facile, c'est le premier soir, on va pas coucher. J'aime pas le cul quand elle crie à cœur perdu et que les murs vibrent. Putain de voisin, laissez-moi vivre. précède, se tourner autour comme des tourterelles et puis finir par céder un conseil. Commence par mettre un bon CD et fais durer le fun jusqu'à être sur le point de décéder. C'est prévu pour commencer. J'ai mis les milités, mes phases, mis tous les sages pour désirer aux hommes, ils nous ont. Ils disaient entre les pages, j'ancre les mains. Je savais être une arme, je suis barge, moi je vais l'utiliser. Pire, pire, je tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple décide. Plus je veux le pouvoir, pas le donner de nouveau télémexique. C'est bon.